Auditeurs de Canal B sur 94 MHz, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile sur l'antenne donc de Canal B le lundi en direct, également à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Ça c'est pour le streaming. Il y a aussi un podcast pour les émissions qui sont postées à un rythme assez régulier, en général quelques heures avant la prise d'antenne. L'émission de la semaine précédente est en ligne avec les playlists, les bonus et quantité d'autres choses, des liens pour aller voir et écouter un peu toutes les sélections hebdomadaires. Voilà, on va attaquer avec une formation qui est chère à mon cœur pour les avoir vus à plusieurs reprises et aussi les avoir fait jouer. Il s'agit de Faust, le fameux combo germanique qui revient avec une réédition du fameux Munich and Elsewhere qui était des fameuses bandes du milieu des années 70. En effet, Faust avait pas mal produit à l'époque à Vumeux dans leur fameux studio qui avait été payé par Polydor, et ce pendant 2 ans. Puis ils ont eu une carrière un peu britannique du côté du Manor, le fameux studio des labels Virgin. Puis s'en était suivi une débandade, le groupe s'était dispersé dans la nature vers 1972-73. Et l'idée leur était venue de remettre le couvert 2 ans après, au milieu des années 70, et ça avait donné lieu à un enregistrement dans un studio à Munich, studio dans lequel enregistraient régulièrement par exemple les Rolling Stones. Et chose assez curieuse, ils n'avaient aucun contrat avec un label, et donc ils sont partis avec une note assez faramineuse, certains membres du groupe ayant été obligés de faire un peu de cachot, je crois, et ils ont été libérés finalement. Et donc ces bandes sont devenues un peu légendaires puisqu'elles ont traîné à droite à gauche. Elles sont sorties en cassette à la fin des années 70, je crois, sur Recommended Records, et puis ça avait donné lieu à un LP en 1986 sous le titre Munich and Elsewhere. S'en était suivi pas mal d'autres versions jusqu'à un CD rempli au ras bord. titre et qui vient d'être réédité en double vinyle, comme toujours par les bons soins du label de Chris Cutler, Recommended Records. Et on va écouter le titre peut-être le plus fameux de ces bandes du Faust 5, comme on l'a appelé aussi parfois, le fameux Munich Yesterday. On écoute ce titre assez long de Faust pour démarrer l'asile de cette semaine. Thank you. À l'instant, dans la série de Lupus, on a démarré avec peut-être l'un des titres les plus motoriques du rock allemand qu'on appelle le Krautrock. Il s'agissait de Faust avec le Munich Yesterday, l'un de leurs titres les plus incroyables qu'ils avaient enregistré après la débâcle du groupe. Ils s'étaient remis ensemble, Hans Joachim Irmler, Jean-Hervé Perron, Rudolf Sosna et bien évidemment Zappi Werner Diermeyer pour enregistrer différentes bandes qui n'étaient pas sorties puisqu'elles avaient dû être refusées par les labels. Elles ne pouvaient pas sortir autrement que sous le boisseau vu qu'ils n'avaient pas payé le studio à l'époque. Et donc un titre qui était sous-titré Willie the Pimp d'ailleurs, qui a subi pas mal de mixages différents. Là c'est la version du coffret The Wümmeyers, ma version du premier CD qui rééditait l'intégralité de ces bandes perdues, un mixage un tout petit peu différent de celle-ci. Et pour la première fois je crois ça a fait l'objet d'un double vinyle chez Recommended Records. Il y a eu pas mal de formats différents à partir de la fin des années 70, notamment Extracts from Faust Part 3, Faust Part 3 Extract 2, etc. etc. Donc pas mal d'autres noms, Munich and Elsewhere, The Last LP, j'en passe, et pas mal d'autres. Donc différents formats réunis en double vinyle sur Recommended Records, les bandes qui étaient ressorties sous la forme d'un long CD qui réunit pas mal de titres, et notamment leur première démo aussi en 1971. Voilà pour Faust, et c'était enchaîné avec une formation qu'on vous passe assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près à chaque fois qu'elle produit un disque, tous les semestres, voire même tous les trimestres. Il s'agit du combo Noise Punk d'Austin Spray Paint, qui existe depuis 2013, qui en est déjà, je pense, à son sixième opus long ou quelque chose comme ça. Vous avez passé leur disque à partir de ceux qui étaient sortis chez Monophonus Press, l'excellent Clean Blood Regular Acid qu'on vous avait passé à l'époque, et donc Spray Paint qui faisait des titres très très courts, à peu près 1 minute 30, 2 minutes, dans une lignée un peu Zizit, The Fall, les Brain Bombs ou encore Gang of Four. Il y a un petit côté Sonic Youth aussi ou Big Black dans leur musique. C'est toujours très envoyé, avec des guitares aux tonalités un tantinet atonal no wave très en avant. Voilà donc du skronk à l'américaine, de l'excellent free rock, et celui-ci donc ne départ pas à la règle. Il vient tout juste de sortir sur étiquette Goner Records sous le titre Feel the Clamps, et c'est un disque un tout petit peu plus long peut-être que les précédents, qui faisait à peu près 25 minutes, une demi-heure. Ils ont rallongé la sauce et des titres qui s'étirent un petit peu plus dans la longueur. Ils arrivent à faire des titres 3,5, 4 minutes, un peu plus lents désormais, les Spray Paints. Voilà donc pour l'excellent nouvel album sous le titre Feel the Clamps. Il y a aussi d'ailleurs un 45 tours qui est sorti également chez Goner Records sous le titre Bogans and Hounds. Voilà, on va enchaîner avec une formation que je n'ai pas tellement pratiquée, et c'est un peu dommage, donc je vais réparer ceci ce soir. Il s'agit du combo de noise assez abrasif mono, le fameux mono suisse avec deux N, à ne pas confondre avec son homonyme ou quasi-homonyme japonais, qui est un tantinet plus post-rock je crois. Et mono, c'est une formation qui réunit pas mal de monde, notamment on y retrouve les plasticiens sonores Gilles Aubry, qui officie plutôt dans des musiques de captation environnementale, on pourrait appeler ça comme ça, d'installation sonore également. Et il est aux côtés de Marc Fantini, Derek Shirley et surtout Antoine Chessex, le saxophoniste d'origine suisse, qui a aussi étudié d'ailleurs aux États-Unis, qui est très influencé par les musiques, on va dire, black metal, tout autant que par la noise et l'expérimentation tous azimuts. Ensemble, les monos ont publié 5 disques à ce jour. Je propose d'écouter le dernier dernier album qui était sorti en 2013 sous le titre Cheval Ouvert. C'était sorti sur le label Idiosyncratics à l'époque en CD et ça vient tout juste d'être réédité en double vinyle sur étiquette berlinoise Le Petit Mignon Records. Et à noter que ce disque avait été d'ailleurs masterisé par James Plotkin de Canaté, c'est dire un peu le côté abrasif de la musique de Mono qu'on découvre avec le titre qui ouvre cet album de Mono sous le patronyme assez étonnant de Cheval Ouvert. Allez, avouez que vous avez headbangé comme des fous à l'écoute de ce groupe qu'on devrait inviter chaque année au Hellfest, je trouve. Il s'agissait des Suisses qui sont installés à Berlin, Mono avec deux N et le disque Cheval Ouvert, leur dernier album à ce jour, double album qu'ils avaient enregistré à l'hiver 2012-2013 dans une vieille ferme polonaise, donc avec un mastering de James Plotkin pour cette formation dans laquelle on retrouve l'électro-acousticien et vocaliste Gilles Aubry en compagnie du saxophoniste branché sur ampli de guitare Antoine Chessex, assez incroyable son jeu, le bassiste canadien Derek Shirley qui les a rejoints il y a de ça quelques années, et le batteur Marc Fantini, un disque qui revoit le jour en ce printemps avec une réédition de ce disque, donc Cheval Ouvert, aux éditions Le Petit Mignon en double vinyle avec un nouvel artwork, une pochette en forme d'origami coloré. Les deux disques sont d'ailleurs aussi très colorés à l'image de la musique de Mono. D'ailleurs il y a une version un peu plus électronique de ce même titre en face B du deuxième 33 tours avec une version qui reprend à peu près la même trame mais en version nettement plus électronique. Voilà donc pour Mono et son Cheval Ouvert. On va calmer un peu le jeu avec un survivant, on va dire, des guitares de traverse en la personne de Henry Kaiser, américain originaire de la Bay Area de San Francisco, qui fut fondateur du label Metal Language vers 1977, dans lequel il a enregistré quantité de musiciens des scènes impro free américaines. Et depuis les années 80, 90 et 2000, il n'arrête pas de jouer en compagnie d'à peu près tous ceux qui bougent. On l'a pu l'entendre notamment aux côtés de John French, le compagnon de route du Captain Beefheart, de Fred Frith, de Richard Thompson, de Wadada, Leo Smith, etc., etc. Quantité de musiciens, et ces dernières années, on l'a entendu notamment aux côtés de Damon Smith et Wiesel Walter, pour ne citer que ceux-là. Et il revient avec un tout nouveau disque sous le titre Nazca Lines, solo acoustique guitare, qui est vraiment incroyable. C'est certainement l'un des disques d'improvisation guitaristique les plus fameux de ces dernières années, dans un registre post-Derek Bailey. Il s'agit de 22 improvisations à la guitare entièrement acoustique, donc, et totalement jouée dans tous les sens, avec parfois ses vocaux et ses histoires pour le moins tordues. On écoute l'introduction dans laquelle il raconte un peu ce qu'il a voulu faire avec ce Nazca Lines solo acoustique guitare, Mr. Henry Kaiser. Well, What we present today on this CD are a bunch of short guitar solos. In the last few years, I've made a lot of albums with very long guitar solos, 70-minute solos, 80-minute solos. Long solos. Short solos, they're different from long solos. Is it the way short stories are different from novels? Is it the way that short films are different from feature films? Or for me, maybe it's more something like the Nazca Lines in the Peruvian desert, about 400 kilometers south of Lima, Peru. So back 500 BC, 500 AD, somewhere in there, whoever lived there, the Nazca, made these huge figures in the desert, giant stylized figures of hummingbirds, spiders, monkeys, fish, sharks, orcas, lizards, and simple lines too, all kinds of stuff. And it's generally thought that you can only see them from the air, from an aircraft. So what were they doing making those? You know, the surrounding hills, you can see them a little bit, but not really. You have to be up high. So were they making them for the ancient astronauts who visited our planet from outer space? Or did the ancient astronauts make them? Are they further proof that ancient astronauts visited our Earth? Maybe not. Who knows? But at any rate, long solo is more like the aliens up in their spaceship in orbit looking down and seeing the giant picture of all the Nazca lines together and what it formed and what its message was. A complex message. And short guitar solos, it's more like looking at the individual figures one at a time from an aircraft or a low-flying saucer. So short solos. They also make me think of my great guitar hero, Derek Bailey, and an album he made for the Italian Cramps label back in 1975, which had 14 short guitar solos on it, anywhere from 4 minutes and 15 seconds to a minute and a half long. And the interesting thing about a short solo compared to a long solo, and Derek recorded a lot of long solos later, the year before he made one side long solo for his Lot 74 album. The difference is, a short solo, you can hold it all in your head at once. You can remember the beginning, the middle, the end. It's a simpler ground to tell a story in. It's not so complex. You can hold it in your mind at once and understand it. I tend for the long solo. I tend for the long trancey thing. But it's interesting to explore this other area, and it's interesting to explore it with a purely acoustic guitar with no overdubbing instead of an electric guitar. I can play chords. I can play fast. I can play slow. I can do all the things I can do anyway on an acoustic guitar. And let me welcome you to this CD, which will now be a bunch of short guitar solo tracks with no more talking. This is the end of the talking. No more talking. Thank you. Dans l'asile le plus sûr, une séquence de cordes de Denis Long malmenée. Tout d'abord, on a pu entendre la musique d'Henry Kaiser, le vétéran de la guitare, autant électrique, souvent électrique d'ailleurs, depuis une bonne quarantaine d'années, avec son Asklines solo acoustique guitare, qui est un disque vraiment brillantissime de bout en bout, comme je vous le disais. Un disque sorti sur CD, sur étiquette Fractal Records il y a peu, qui est un disque qui va compter dans la guitare de l'esprit post-Derek Bailey, entre improvisation et invention dans tous les sens. Et c'était enchaîné avec un autre guitariste qu'on suit depuis quasiment son démarrage, en tout cas depuis qu'on le connaît aux États-Unis. Il s'agissait de Taji Dorje, le fameux musicien originaire du Bhoutan qui vit à Asheville en Caroline du Nord, et qu'on suit depuis 4-5 ans. Pendant longtemps, on avait très très peu d'enregistrements à part des cassettes de ce monsieur qui sortait à intervalles réguliers, jusqu'à ce que différentes personnes, et notamment monsieur Ben Chapsny de Six Organs of Admittance, se fendent d'un 33 tours pour illustrer la musique de monsieur Dorji. Et depuis, c'est un peu un festival, un peu tous les labels s'y mettent, et il y a pas mal de collaborations aussi pour Taji Dorji. On vous avait passé récemment notamment un disque split en compagnie de Marissa Anderson, et je crois qu'il y aura pas mal d'autres choses à sortir aussi dans l'avenir, puisque par exemple le label Monophonus Press, dans sa subdivision Astral Spirit, dont on vous parlait en début d'émission, a prévu de sortir une nouvelle collaboration de Taji Dorji dans les semaines ou mois qui viennent, en compagnie de Tyler Damon. Et là, il s'agissait d'un solo acoustique dans la fameuse série VDSQ 20 du Select Quality, dont s'occupe le guitariste Steve Lowenthal. On vous avait passé il y a de ça quelques semaines, il y a 15 jours très exactement, la musique de Sarah Louise, qui était dans un registre plutôt guitare d'inspiration post Robbie Bashaw, tout en open tuning et en douceur. La musique de Taji Dorji sur son solo acoustique est nettement plus accidentée, certainement son disque le plus improvisé et le plus Derek Bailey-ien, je sais pas trop comment dire, par rapport à toute sa production qu'on lui connaît. Donc un disque plutôt à l'image de ce qu'il peut faire, donc une sorte de démonstration dans l'improvisation guitaristique toute griffe dehors, on va dire ça comme ça. On va enchaîner avec une séquence de musique électronique qui va démarrer avec un duo australien qui répond au nom de Solo and Data, dans lequel on retrouve les électroacousticiens Paul Fioco et Kane Ikin. Ils sont assez actifs depuis une dizaine d'années, ils sortent des disques à peu près tous les 2, 3, 4 ans, mais ils n'avaient rien sorti depuis 4-5 ans, si je ne m'abuse. Il y avait eu déjà des disques chez 12K, qui est le label qui édite In The Lens, leur nouvelle production, et séparément, ils ont aussi sorti des disques, souvent aussi d'ailleurs sur l'étiquette 12K. Il y a eu un disque très récemment de Kane Ikin sous le titre Modern Pressure, mais là je propose d'écouter Le Vaisseau Amiral, donc la musique du solo Andata, qui est une musique plutôt d'inspiration ambiante, dronesque, assez atmosphérique et plutôt assez réjouissante. Je propose d'écouter le Drop Canvas de Solo Andata. Thank you. We started walking. Some friends were nearby. I felt the presence of a crowd approaching. Fast, laughter, shouts like. Then I felt hands. But this time I was calm and protected. It's a performance, my performance. I walked 8 minutes. I could not finish. I had to escape fast. I went into hiding. But I did it. I did it. I did it. À l'instant, l'asile le plus sûr, une séquence d'électroacoustique, une fois n'est pas coutume, qui a démarré avec Solo and Data, le projet de Paul Fioco et Ken Ikin, le duo expérimental australien, avec un extrait de leur tout nouvel opus sous le titre In the Lens. C'est sorti sur 12K, le label qui édite régulièrement la musique de Solo and Data. Alors, j'ai toujours l'impression que c'est un projet d'un japonais, Solo and Data, pour tout vous dire. En tout cas, ça sort donc sur le label de Taylor Depreux, le label new-yorkais 12K. Et on a enchaîné avec le deuxième disque de Madame Clara Lewis, qu'on vous a déjà proposé ici même. Il s'intitule Tout Baudement. Il est assez énigmatique, cet album. On ne sait pas trop comment le prendre et par quel bout, mais c'est plutôt bon signe. Là, on écoutait le titre qui démarre cet album, donc pour la Suédoise qui n'est ni plus ni moins que la propre fille de Graham Lewis de Wire et qui a une vingtaine d'années au compteur, donc qui est très très prometteuse. Le premier album s'intitulait Et avec 2T, E2T, celui-ci donc Tout. Il a un tantinet peut-être moins réussi que le premier, enfin en tout cas plus difficile à cerner. Elle avait sorti aussi un maxi qui était très très étonnant sous le titre Mswik, donc un peu la musique de son papa, à l'instar de son papa, toujours des sculptures sonores assez incroyables pour Miss Clara Lewis. Et on a terminé avec une autre électroacousticienne qui est est tout aussi excellente en sculptage de son, et en la personne de Antigraï Ripati, alias AGF, et son tout nouvel opus sous un titre totalement imprononçable, quelque chose comme Cone 3P avec Usion 2 Evolution, tout ça va entrecouper de slash, de barres et autres signes cabalistiques informatiques. Donc ça sort sur Poème Producer, c'est son tout nouveau CD où on retrouve Miss AGF en compagnie de pas mal de gens, et notamment pour le titre qu'on écoutait, elle était en compagnie de Kubra Academy, qui est la fameuse plasticienne qui avait décidé de sortir dans la rue munie d'une armure anti-attouchement à Kaboul, et donc elle avait subi un peu les foudres de la population, Miss Kubra Academy. Et donc ce disque est un peu en hommage aux femmes en lutte. D'ailleurs, il y a toute une compilation sur laquelle on retrouve ce même titre sous le nom Rojava Women Producers for Women Powered by Female Pressure. Alors, c'est une anthologie donc de la série Female Pressure dont s'occupe AGF, qui essaye un peu d'illustrer le talent des électroacousticiennes et des femmes en lutte dans le monde entier. Donc c'est un combat auquel se livre AGF depuis 2 ans à peu près, avec pas mal de plasticiennes et d'électroacousticiennes qu'elle a engagées auprès d'elle. Et c'est vrai que il y a beaucoup de musiciennes électroniques en ce moment. On vous a passé donc Clara Lewis, mais très très régulièrement d'autres, quasiment chaque émission, la jante féminine s'illustre dans l'électroacoustique. Je pense notamment à Isolde Touch, pour ne citer qu'elle, qu'on vous avait passé très récemment, avec son disque chez Entract, et en tout cas donc un disque de Antigraï Ripati, comme toujours dans une sorte de mixture voix totalement passée au prisme de l'électronique. On va continuer avec une anthologie qu'on vous avait déjà proposée avec un autre titre. Il s'agit d'une compilation dédiée aux musiques expérimentales turques entre 1961 et 2014, qui vient tout juste de sortir sous étiquette Sub Rosa en double vinyle et double CD, avec pas moins d'une trentaine de musiciens. Vous avez passé un vieux titre de 1961 de Bülent Arel, pardon, et là je propose pour changer un musicien plus contemporain, un musicien noise d'Istanbul. Je ne sais pas s'il connaît les gens de Construct, en tout cas il collabore avec pas mal de gens intéressants. Je pense notamment au basque Matin, avec lequel ce Batur Somez s'est illustré. Donc on va écouter le Flash Mental Experiment Number 23 qu'on retrouve sur cette anthologie of Turkish Experimental Music. Trance sur Aéroglisseur dans l'asile le plus sûr, qui a démarré avec un extrait de cette anthologie des musiques expérimentales turques sous le titre An Anthology of Turkish Experimental Music 1961 qui s'étend jusqu'en 2014. Voilà, et c'était un titre de Batur Sönmez de 2012 pour ce florilège donc de musique expérimentale qui regroupe pas moins de 30 artistes. Et on a enchaîné avec le trio et le grand retour de B/B/S, le fameux trio qui réunit Aidan Baker, Denaja, Andrea Belfi, qu'on ne présentera pas, c'est très nombreux projets, et Eric Skotvin, le Norvégien alias Svarn Greiner, qui s'occupe également du label Miasma, qui édite régulièrement, à peu près tous les deux ans, la musique de ce trio B/B/S. On avait beaucoup aimé le Brick Mask ou encore le Coltré Manto. Celui-ci s'intitule Palace. Il va sortir en double vinyle d'ici quelques jours. Et l'écoute de ce titre en preview, on ne présage vraiment le meilleur, comme toujours, dans la musique ambiante et aussi pas mal de mélanges électroniques et d'ambiance un peu improvisée électroacoustique pour B/B/S. Voilà, l'asile est quasiment terminé. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'intégralité de cette même émission à partir du blog asile35.blogspot.com. En vous abonnant par exemple au podcast et aller suivre les playlists et les liens, les visuels et un peu tout le tout-team. Voilà, la semaine prochaine, on sera en compagnie des gens du Tapette Fest qui va démarrer dans quelques 15 jours, 3 semaines, entre les 24 et 25 juin chez les Noum, dans le 56 à Campaneat. Donc on aura l'occasion de disserter autour de la prog de cette année en compagnie de Monsieur Alex. Voilà, on va se quitter avec un dernier album et le grand retour en ce mois de juin de Monsieur Rhys Chatham, le musicien improvisateur minimaliste américain fondateur de The Kitchen, qui revient avec un tout nouvel album sous le titre Pythagorean Dream. Il n'avait rien sorti depuis 4-5 ans à peu près. Alors c'est le Rhys Chatham plutôt d'ambiance répétitive et assez minimaliste, pas du tout le Rhys Chatham avec ses grands orchestres de guitare façon Glenn Branca qu'on retrouve sur ce Pythagorean Dream. Il y a aussi des ambiances à la trompette, lui qui joue aussi de cet instrument. Il fait tout seul sur cet album comme un grand, qui sort sur étiquette Foum en CD, trois titres. Je vous propose d'écouter le premier, qui est une sorte de tambouille électroacoustique ambiante très très réussie par Rhys Chatham. Il me reste à conclure en vous souhaitant une excellente nuit et en vous disant à la semaine prochaine. Thank you. Thank you. Play. We are distance of nation. This dance we try sync together. Net nation works. How the net works. Mission. This dance.